De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1 et pour une visite du centre de démonstration en sciences physiques. Alors, si vous êtes habitué de Futur Simple, vous avez déjà entendu Mathieu Riopel bon, tout à l'heure, mais aussi à d'autres émissions, raconter des épisodes de l'histoire de la physique. Ça peut vous donner une idée de ce qu'il se passe au centre de démonstration en sciences physiques, qui s'inspire souvent de l'histoire des sciences pour monter des conférences, démonstrations. Mais je m'arrête là parce que j'ai à côté de moi Yvon Fortin, le fondateur du centre du centre de démonstration en sciences physiques, et il va tout vous raconter mieux que moi. Bonjour Yvon. Bien bonjour. Alors, j'ai également à côté de moi Judy, je vais y arriver, Judy Drolet-Boldu, qui est conseillère à la vie étudiante et événements scientifiques et qui nous présentera les activités grand public à venir pour souligner le 25e anniversaire du Centre de démonstration en sciences physiques. Alors, bonjour Judy. Bonjour. Alors, je vais commencer avec Yvon. Yvon, pour situer les auditeurs, en fait, le Centre de démonstration en sciences physiques, on va le dire le CDSP, hein, de son petit nom, ça va être plus simple, je vais moins m'en mêler. Donc ce CDSP, en fait, il est où? Parce qu'on en parle, mais c'est pas quelque chose de très voyant, c'est pas comme le musée de la civilisation, donc il est où? Et en fait, il est dans le bâtiment principal, le bâtiment d'accueil du centre du cégep François-Xavier Garneau. C'est un ancien gymnase, en fait, de l'école normale qui a été recyclé en centre de démonstration. Il y a eu toutes sortes de fonctions au fil des âges, mais maintenant, il a servi de local pour la discipline du français, le théâtre. Il y avait des locaux qui servaient pour des ateliers de batik, des groupes d'échecs, en fait. Il y avait des locaux que j'estimais pouvoir resservir à l'enseignement. Puis quand il y a eu des travaux importants dans le cégep, compte tenu de la croissance de la population, ben là, l'idée a réussi à faire son chemin jusqu'à la concrétisation du lieu, qui est maintenant un amphithéâtre avec des réserves, un atelier de fabrication, des gradins, beaucoup de techniques pour permettre des présentations, disons, percutantes de démonstrations en sciences, mais pas seulement qu'en sciences. Mais alors, quand on rentre dedans, parce que c'est quand même assez particulier, hein, c'est pas juste une scène de théâtre, le CDSP. Donc, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu, quand on rentre dedans, qu'est-ce qu'on voit sur la scène et au mur alentour? Ben, habituellement, on s'arrange pour que la scène soit impressionnante, c'est-à-dire on met beaucoup d'objets pour stimuler la curiosité ou en tout cas, dans certains cas, distraire volontairement le public du discours qui se tient devant. Moi, je me dis tout le temps, si vous perdez le fil de la question, ben, on peut vous poser des questions sur tout ce qu'il y a devant. Mais la réalité, c'est qu'on met là beaucoup de matériel pour nous permettre de traiter différents aspects de la science et non pas seulement les dimensions conceptuelles d'une démonstration ou d'une expérience. Puis ça venait de mon intérêt pour les démonstrations. Moi, quand j'enseignais, j'arrivais presque toujours avec une démonstration, c'est-à-dire un phénomène ou du matériel qui allait générer des questions, mais qui allait surtout rendre les gens conscients que souvent, on sait des choses, mais on les comprend pas. Mais on a l'impression qu'on les comprend parce qu'on les sait. Puis les démonstrations, leur outil, le levier principal, c'est pas nécessairement de comprendre le phénomène, mais de générer des émotions qui nous amènent à vouloir le comprendre. Ah, c'est ça. Et ça, c'est la stratégie. Moi, dans mes cours, je me rendais compte que pendant que je faisais une démonstration, évidemment, je peux tenir le discours que je veux sur la démonstration. Par exemple, sur la flamme d'une chandelle, je peux poser des questions sur l'opacité de la flamme. Ça veut dire quoi, l'opacité de la flamme? Est-ce qu'on voit au travers d'une flamme? Je ne vois pas à travers le métal, je ne vois pas à travers le bois. Est-ce que je vois à travers la flamme d'une chandelle? Bien, effectivement, non. Si je mets mon doigt derrière la flamme, je ne le verrai pas. C'est vrai. Mais la flamme est transparente. Si vous projetez de la lumière sur la flamme, vous allez voir l'ombrage de la mèche, mais pas l'ombrage du feu. Ah! C'est un plasma. Vois-tu? C'est banal, parce qu'une chandelle, tout le monde a regardé ça dans sa vie. C'est fascinant, une chandelle. Mais en réalité, il y a des aspects de la chandelle qui peuvent être surprenants, puis qui nous amènent à nous questionner sur la façon dont on perçoit le monde. Puis la science, c'est ça qui est particulier. Ça origine souvent d'observations de phénomènes que tout le monde peut saisir, mais que peu de gens peuvent expliquer. Pourquoi? Parce que l'explication ne vient pas avec le phénomène. C'est nous qui la construisons. Donc. Ah. Nous, on est sensible à ce qui nous entoure, on observe, on peut percevoir des choses, mais ça ne nous explique pas ce qui se passe. D'ailleurs, une belle question. On sait maintenant ce que c'est que la température. On parle de réchauffement climatique. Ouais. On sait ce que c'est que la température maintenant. En fait, si on pose la question, vous savez ce que c'est que la température? Les gens vont dire oui. Mais si vous leur demandez c'est quoi? Ben, d'habitude, la réponse est plutôt vague. Ben, c'est ce qu'on lirait sur un thermomètre. Ouais, mais qu'est-ce qu'on lit sur un thermomètre? Puis là, rapidement, si vous parlez à un scientifique, il va vous parler d'énergie. Parce qu'on dit la température, c'est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules du milieu dont on désire connaître la température. Ça fait savant, ouais. Mais en réalité, c'est que ça fait longtemps qu'on sait ce que c'est que la chaleur. On ressent la chaleur. Je peux vous dire s'il fait chaud, s'il fait froid, si ça réchauffe ou si ça refroidit. Mais si je vous pose la question, est-ce que maintenant tu sais s'il fait 21 degrés ou 22 degrés dans la pièce? Personne ne va répondre. Non. Donc, mesurer une quantité relative à la température, ça a demandé des efforts extraordinaires. Pourtant, les gens, maintenant, c'est d'un banal. On prend un thermomètre, on lit la température. Bon, donc, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce qu'on lit quand on lit un thermomètre? On lit des longueurs. On lit une longueur d'une colonne d'un liquide dans un petit tuyau à l'intérieur d'une tige de verre. Mais il a fallu comprendre comment cette longueur-là varie en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, de la chaleur qui règne. Puis la question, c'est, pour le savoir, ça nous prenait quelque chose qui nous dit quelle est la valeur de la température, donc c'est circulaire. Pour mesurer la dilatation en fonction de la température, ça prenait quelque chose qui lisait déjà la température. Voyez-vous le problème? Ça a l'air banal, mais ça ne l'était pas du tout. Non, ça n'était pas effectivement. Puis pour répondre à la question qu'on a maintenant, c'est qu'on dit, par exemple, dans un gaz, on sait que les molécules d'un gaz peuvent s'agiter selon la chaleur qui y règne. La réalité, c'est que l'énergie, maintenant, dont on parle comme si c'était d'un banal, bien, on a compris ce concept-là d'énergie à partir d'une question vraiment originale. En 1668, la Société royale de Londres a demandé aux savants d'Europe de se pencher sur la question du comportement des boules de billard. Donc ça nous pose encore le même problème. On peut très bien savoir jouer au billard et pas comprendre physiquement qu'est-ce qui affecte le comportement des boules. Puis c'est ce qui était la question de l'époque. C'est on jouait au billard, on voyait bien que les boules avaient un comportement particulier, mais on n'était pas capable de dire pourquoi ça se comporte comme ça. Il y a quelques esprits brillants qui se sont penchés sur la question. Pensons à Huygens, Newton, Leibniz, des noms que les gens qui s'intéressent aux sciences connaissent, mais Newton, c'est clair que Newton, le grand Newton. Ben, en réalité, pour comprendre le comportement, on a dû comprendre des concepts ou inventer des concepts. Dans le cas de Newton, qui s'appelait la quantité de mouvement, dans le cas de Leibniz et de Huygens, qui s'appelait le vis viva, donc l'énergie, MV carré. Donc, on a dû, en fait, à partir de l'étude du comportement des boules de billard, imaginer que la matière qui est faite de particules se comporte un peu comme des boules de billard. Puis là, de ça, on a compris tout un tas de phénomènes. On a associé ce concept-là à tout un tas de phénomènes qui, aujourd'hui, nous semblent d'une évidence. C'est loin d'être évident. Puis quand on s'adresse à des jeunes qui sont en formation, même s'ils connaissent le mot énergie, le mot vitesse, le mot accélération, est-ce qu'ils comprennent le concept? Puis au centre, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'une démonstration t'amène à réfléchir sur ce que tu sais du phénomène. Je peux te poser des questions là-dessus. Mais en réalité, c'est, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution de l'idée qui a abouti au concept? Donc, nous, ce qu'on aime présenter, c'est qu'on prend une idée que tout le monde peut avoir. Tout le monde a une idée de c'est quoi la chaleur. Par contre, si on se met à discuter du concept de chaleur... Le concept de chaleur, ce n'est pas l'idée de la chaleur. Ça peut être très différent. Puis souvent, nos intuitions sont basées sur l'idée qu'on s'en est faite, mais pas nécessairement sur les concepts qui en découlent. Fait que les gens vont utiliser le vocabulaire de la science sans nécessairement associer à ce vocabulaire-là le sens que la science lui accorde. C'est le travail pour un physicien, c'est quelque chose de particulier. C'est pas le même concept que le travail pour un syndicaliste, par exemple. Donc là, on devine un petit peu le genre de démonstration qui était présentée devant les élèves. Mais puis, je vois, Yvon, on pourrait laisser parler comme ça des heures et des heures. Mais on doit quand même avancer parce que là, on n'a pas encore dit quel était l'objectif finalement, ces démonstrations s'adressaient à qui? Aux élèves du cégep ou à d'autres élèves? C'est ça qu'on n'a pas encore dit. Et même encore aujourd'hui, parce que le cégep, le centre continue de produire ces démonstrations, ces conférences L'origine du projet, ça venait de des difficultés que j'avais à faire les démonstrations dans ma classe. Mais au cégep, avec des élèves du cégep. Avec des élèves du cégep. Fait que là, je suis allé voir le collège, la direction du collège, en leur demandant d'aménager une classe avec des gradins. Oui. Pour que les étudiants puissent bien observer la démonstration que je faisais à l'avant. Parce que, vous savez, les classes, c'est horizontal, tout est dans ton bureau, la gang en arrière, ils ne voient rien. Fait que là, si tu leur demandes de s'avancer, ils se ramassent 5 rangées d'étudiants, la 5e rangée ne voit rien, ils font semblant de regarder. Fait que je me disais, ça n'a pas de bon sens, on se défait pour produire une belle démo, qu'ils ne peuvent même pas observer correctement. Fait que je me disais, si on avait un petit local aménagé, Évidemment, la direction a refusé ma proposition parce que pour un cours de physique que je donnais, aménager un local, ça n'allait pas à peine. Fait que ma stratégie, ça a été de faire la tournée de tous les départements du cégep pour leur proposer des démonstrations qui pourraient les intéresser dans la prestation de leur cours. Puis la plupart des départements se sont montrés intéressés. Fait que là, je suis revenu au collège avec une demande soutenue par beaucoup de départements. Puis après 10 ans de tractation, le centre de démonstration a fini par exister grâce au financement de la région de Québec pour les projets d'infrastructure. Mais sauf que maintenant, les conférences de démonstration sont faites à l'attention des élèves du primaire, du secondaire? En fait, il y a des démonstrations qui s'adressent à tous les publics. C'était déjà dans l'ADN initial du centre. C'est que moi, j'avais visé de faire des formations dans des milieux de travail, des formations pour des professeurs, pour des étudiants, pour du public en général, et même pour des projets dans le tiers-monde. C'est-à-dire développer des appareils qui seraient conçus à partir de matériel très simple, mais qui permettraient des mesures plus précises que ce qu'on peut obtenir, par exemple, dans certains pays sous-développés. Fait que, tous ces projets-là étaient à l'origine du centre. Par contre, on n'a pas pu jouer dans toutes les avenues au départ, parce que, comme n'importe quel projet, il faut d'abord s'installer, faire ses preuves, obtenir une certaine crédibilité, voir si finalement c'est pertinent, si ça peut durer. Puis là, ben, 25 ans plus tard, la plupart de ces avenues-là ont été touchées. Il y a des présentations maintenant au centre qui se font pour toutes sortes de groupes. On a reçu déjà des professionnels du transport, les transporteurs d'Hydro-Québec, par exemple, sont venus assister à une formation sur l'arrimage. Il y a comme ça de toutes sortes de manifestations qu'on va offrir en démonstration pour différentes clientèles sur des sujets particuliers. Mais en général, c'est quand même plus pour les écoles. Tout à fait. La clientèle principale, c'est les étudiants, les élèves, mais aussi les professeurs. Il y a beaucoup de formations qui se donnent pour des professeurs au centre de démonstration. Julie, puis je voulais même ajouter que depuis quelques années, on a même une classe de Dallas au Texas qui vient assister à la conférence démonstration autour du printemps, justement. Et c'est une classe qui, apprend le français, finalement. Donc, ils viennent assister à la conférence démo. Ils partent vraiment du Texas. Ils viennent à Québec, puis ils viennent voir la conférence démo. Fait que ça, c'est un exemple jusqu'où qu'on peut aller ratisser, finalement, avec, avec nos conférences. Puis, dans ces conférences, donc, les gens qui voient, qui assistent, voient des phénomènes physiques intrigants, de quoi nous étonner, nous donner envie de comprendre. Mais aussi, pour avoir assisté à quelques-unes quand même de ces conférences, les participants sont mis parfois à contribution. Donc, on fait appel à quelques-uns, là, pour participer. Donc, ils ne sont pas juste passifs comme ça, observateurs. On espère que non, parce que notre façon de présenter les sujets, c'est très souvent contraire à ce qu'ils s'attendent. Voilà. Ça, c'est une des clés qui est importante dans le succès d'une démonstration. C'est qu'on n'est pas là pour confirmer ce que les gens pourraient croire. On est là pour les amener à réfléchir autrement sur les choses qu'ils croient connaître. Ou qui connaissent vraiment, mais peut-être pas sous ces angles-là, l'angle de la science, par exemple. Fait que, tu sais, quand on dit on va vous faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle gèle, on pourrait arriver, cela, c'est un classique. Quand même, on va vous faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle gèle. Ça choque. La réalité, c'est que la majorité des gens savent faire bouillir de l'eau, c'est en la chauffant. Mais la majorité des gens ne comprennent pas ce qui se passe quand l'eau bout. On sait faire bouillir, on sait reconnaître que l'eau bout. Donc, pas besoin de comprendre la thermodynamique pour être capable de faire cuire un œuf. Mais si on veut comprendre ce qui se passe dans l'eau, ben là, il faut faire appel à tout un tas de concepts de science que les gens connaissent de nom, mais ne connaissent pas en termes du concept scientifique qui est sous-tendu par l'idée en question. Donc, c'est toute la question de la thermodynamique. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut voir, effectivement, elle bout, mais en même temps, on la voit gelée, puis le thermomètre qui descend. Qui descend. Puis ça, ben là, tu vois dans la face des gens qu'il se passe de quoi, là. Ils refusent ce qu'ils observent. Pourtant, ils l'observent. Puis ça, c'est les leviers les plus puissants. C'est-à-dire que là, maintenant, tu es capable de parler de l'histoire de ce phénomène-là. Tu es capable de parler de leur compréhension, de la compréhension que l'humanité en avait avant qu'on ait les concepts scientifiques élaborés plus précisément. Puis ça, c'est intéressant parce que les jeunes en formation, ils sont dans la même situation que nos ancêtres qui essayaient de comprendre qu'est-ce que c'est que le feu. On maîtrise le feu depuis des centaines de milliers d'années, mais qu'est-ce que c'est que le feu? Ben, il a fallu qu'on en comprenne des choses avant de pouvoir dire ce qu'on en dit aujourd'hui. Puis ça, étant donné que c'est accessible, les jeunes qui n'ont pas suivi une formation scientifique poussée sont devant le phénomène comme nos ancêtres étaient devant le phénomène, sauf que le vocabulaire est là, omniprésent, mais sans nécessairement s'accompagner du sens que la science a donné au concept que les gens utilisent quotidiennement. Dans une autre démonstration, quelque chose qui était assez surprenant aussi, c'était l'idée d'une expérience pour peser le temps. Moi, ça me fascinait aussi, cela, comment on fait pour peser le temps. Donc, en tout cas, c'est des exemples là, pour intriguer tout un peu fait. Les auditeurs, les auditrices. Qu'est-ce qui se passe au centre de démonstration en sciences physiques? Ben, c'est ce genre d'expérience qu'on voit. Tout à fait. Mais on voit que d'ailleurs, ça touche l'émotion. Puis nous, notre clé d'entrée, c'est pas la raison, c'est l'émotion. On veut que les gens aient envie de comprendre ce qu'on leur apprend. Ils sont obligés d'apprendre. Mais on aimerait qu'il y ait envie de comprendre. Puis pour donner cette envie-là, il faut toucher l'émotion que les gens peuvent ressentir devant un phénomène qui est contraire à leurs attentes. C'est ça. C'est mais en même temps, leur montrer qu'ils sont capables de l'apprendre. C'est-à-dire qu'ils sont... moi, je dis tout le temps, Newton ne savait pas qu'il était Newton quand il avait 10 ans. Fait que vous, dans votre classe, vous êtes qui? Ben, vous êtes ce que vous êtes, mais ce que vous serez plus tard, à quoi vous allez contribuer? Ben, si on connaît un peu l'histoire des idées, puis par quels moyens les gens ont raffiné ces idées-là, on se rend compte que les étudiants aujourd'hui sont dans le même processus. Tout à fait. Alors là, 25 ans ont passé, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs conférences démonstrations, parce que chaque année, c'est sur un nouveau thème que sont développées, élaborées les conférences démonstrations. Là, j'accélère un petit peu parce que je veux donner la parole à Judy. Mais il faut dire aussi que donc au CDSP, vous fabriquez les dispositifs expérimentaux pour faire ces démonstrations. Vous en avez parlé, il y a un atelier, on fait plein de choses. Et là, les écoles défilent au fil de l'année pour assister à ces fameuses conférences démonstrations. En 25 ans, je dis, il a dû en passer des élèves dans ces salles-là qui ont été émerveillés, intrigués. Ben justement, j'en parlais avec Yvon tout à l'heure. Lorsque ça a été les 20 ans du CDSP, donc il y a 5 ans de ça, on a eu notre 100 millième visiteur. Ah oui, 100 millième. 100 millième. Wow. Et là, ben si on fait un calcul qu'on a environ 10 000 étudiants par année, ben on dit étudiants, mais les accompagnateurs et professeurs, ben on fait le calcul vite, on est rendu à plus de 115 000 peut-être. Là. Ah oui. À cette date-ci. Puis juste pour donner un exemple, l'année dernière, on a eu 9300 personnes qui sont venues assister aux conférences démonstrations. Et comme Yvon disait tout à l'heure, primaire, secondaire, collégial, même universitaire, il y a des gens qui viennent. Mm-hmm. Donc, ça ressemble à ça. Puis aussi, ben, ce qui est important de mentionner, c'est que le centre de démonstration, maintenant, a tellement de projets depuis 25 ans, tu sais, qui ont évolué. J'en parlais aussi avec Mathieu Riopel tout à l'heure que vous avez eu en entrevue. Il me mentionnait, lui, que c'est ça, c'est l'importance des objets pour comprendre la science. Puis de cette idée-là est parti d'autres projets. Je pense, par exemple, aux ambassadeurs scientifiques. Mm-hmm. C'est un projet, en fait, qui vise les étudiants du collégial. Donc, ces étudiants-là, on en a 40 environ, là, en ce moment, au Cégep Garneau, vont dans des écoles primaires et secondaires et faire des ateliers qu'on appelle de tinkering avec des classes. Donc, ils arrivent, par exemple, avec un atelier d'éoliennes. Fait qu'ils arrivent avec plein de morceaux de n'importe quoi, du papier de toilette, des rouleaux de papier de toilette, puis plein d'autres objets recyclés. Puis là, ils expliquent aux étudiants, les étudiants collégiens expliquent aux plus jeunes, ben voilà, vous devez faire une éolienne, on vous fournit ce matériel-là, amusez-vous. Ouais. Fait que c'est vraiment avec cette idée-là qu'on continue aussi au centre de démonstration, autant avec les conférences, justement, qu'on y va avec l'objet, les ambassadeurs scientifiques, Science on tourne, qui est un autre exemple. On invite les étudiants à fabriquer un engin pour relever un défi. Fait qu'on va vraiment chercher... On essaie d'inciter les gens, justement, à toucher les objets, à essayer de fabriquer puis de découvrir la science avec ça, finalement. Donc, ça fait plusieurs types d'activités, plusieurs projets que vous menez au centre de démonstration. Et j'ai envie de revenir aux démonstrations parce que, bon, il y a eu 100 000, plus de 100 000 qui ont participé, mais la population de Québec est plus vaste que ça encore. Et donc, il y a peut-être des gens qui disent, moi, j'aimerais bien aller voir ces fameuses démonstrations, puis je suis plus à l'école, puis je suis pas dans un milieu de travail qui sera invité, qui aura la possibilité. Mais vous avez quand même tout un volet d'activités ouvertes à la population, justement. Depuis quelques années, il y a les cabarets scientifiques. Oui, notamment. C'est ça. Ben, en fait, dans le cadre de nos 25 ans, on a plusieurs activités là, qui sont ouvertes au grand public. Justement, la conférence démonstration, on en parlait cette année, le thème, c'est fil conducteur. Donc, si les gens veulent venir y assister, qui ne sont pas étudiants, nous, on a deux conférences qui sont ouvertes au public. Donc, on a celle de Noël, qu'on appelle la conférence démo de Noël. Les inscriptions ouvrent le 28 novembre et je vous conseille vraiment d'aller réserver tôt parce que des fois, c'est une question de quelques heures, quelques journées que l'amphithéâtre, il est plein en termes de réservation. Sinon, il y a toujours aussi, pendant pendant le 24 heures de science, il y a une conférence qui est ouverte au public. C'est gratuit aussi. Les gens peuvent s'y inscrire. Et sinon, ben, on parlait des cabarets scientifiques. Ouais. Justement, demain, on en a un. C'est quelques conditions essentielles à la vie humaine avec Jean Bouchard. Donc, ça consiste en quoi, là, ces cabarets scientifiques? Comment ça se déroule? C'est des soirées de vulgarisation scientifique. En fait, on en a une par mois environ. Pendant l'année, c'est un total de 6 cabarets. Okay. Et les gens, en fait, on dit, le grand public peut venir y assister. On parle peut-être plus de l'âge de 10 ans jusqu'à 90 ans. On n'a pas de limite d'âge. Et c'est ça. Et en fait, ces soirées-là, c'est différents thèmes qu'on vulgarise au grand public. Il y a des bouchées, il y a des breuvages qui sont sur place, qui sont offerts gratuitement. Et la soirée, c'est vraiment gratuit. Il suffit de s'inscrire sur notre site Internet, là, qui est le cdsp.qc.ca. Et ça coûte, comme je vous dis, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est ouvert au grand public. Demain, justement, il reste encore une quinzaine de places. Donc, si vous voulez venir assister à ce cabaret-là, il y a encore de la place disponible. On en a un autre en novembre. Mais donc, comment ça se passe? Donc, la personne, là, fait une conférence? Est-ce qu'il y a des démonstrations incluses? Oui, exactement. D'accord. En fait, on commence toujours en présentant un organisme local qui est en lien avec la thématique. Par exemple, en septembre, on a eu un cabaret sur la nébuleuse du crabe, qui est en lien avec l'astronomie. On avait un partenaire qui était l'Observatoire de Val-Bélair qui est venu présenter l'organisme. Par la suite, on a eu une conférence démonstration d'environ 8 minutes sur la thématique justement de la lumière et tout ça. Okay. Et puis par la suite, on a eu le cabaret avec le conférencier. Donc, c'est toujours notre formule en fait qui se répète ainsi. Donc, demain, il va y avoir une conférence démonstration également d'environ une dizaine de minutes qui va être présentée avant l'arrivée du conférencier. Est-ce qu'il y a eu, après la conférence, est-ce qu'il y a une partie discussion pour échanger avec le conférencier ou pour poser des questions sur la conférence démonstration? Oui, tout à fait. En fait, on invite le public à la fin de chaque cabaret à poser leurs questions et tout ça. Il y a vraiment... c'est un lieu en même temps d'échange et de réflexion. D'accord. Donc là, demain, c'est quoi le thème? Oui, demain, c'est ça. C'est quelques conditions essentielles à la vie humaine. C'est plutôt un aspect biologique, là, je dirais. Là, ça va être plus en ce qui concerne peut-être la biologie de l'humain et tout ça, avec Jean Bouchard. Donc, voyez-vous, là, on a eu l'astronomie, on a demain Jean Bouchard. Puis, pour vous donner un exemple, en février, on va avoir Normand Voyer et la chimie de l'amour. Ah ben donc, oui, la fameuse conférence de la chimie de l'amour de Normand Voyer, il ne faut pas la rater non plus, celle-là. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'on essaie vraiment de varier nos thématiques scientifiques, justement, pour ces soirées-là. Puis c'est ça. Puis, pendant l'année, comme je vous disais, là, il y a plein d'autres... il va y avoir d'autres cabarets scientifiques qui sont ouverts au public, la conférence de Noël. Sinon, en février, on va tenir une soirée des partenaires et des artisans du centre de démonstration. Les détails vont être à venir pour ça. On travaille encore dessus. Et il y a Science on tourne aussi en mai qui va nous faire quasiment un 24 heures de science pour nos 25 ans puisque le Science on tourne débute le vendredi soir le 3 mai et c'est le 24 heures de science le 4 mai. Nous, avec Science on tourne, avec notre conférence qu'on va offrir le samedi, tout ça, ben on va quasiment faire 24 heures de science finalement. Donc ça va commencer le vendredi soir, ça va se terminer le samedi soir avec le gala de remise de prix de Science on tourne. Donc on a vraiment une belle programmation. Sur notre site Internet, d'ailleurs, on a un onglet pour nos 25 ans. Puis on voit toute la programmation, j'imagine, sur le site Internet. Je crois que vous avez un site, une page Facebook également pour voir la programmation. Oui, Facebook, Instagram aussi. Ouais. En terminant, Yvon, parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de minutes, mais donc là, vous avez créé le centre il y a 25 ans. Bon, maintenant, je pense que vous êtes à la retraite, mais faussement à la retraite parce que vous avez toujours quelques activités à droite et à gauche. Comment vous voyez cette continuité du CDSP que vous avez fondé avec toutes ces activités qui se développent en parallèle? En fait, moi, je suis ravi de voir comment le centre s'est développé depuis que je suis parti. Parce que j'ai pris ma retraite, ça faisait quand même 35 ans que j'enseignais, puis j'avais d'autres projets qui se sont initiés par la suite. Mais l'équipe maintenant qui fait fonctionner le centre poursuit sur les mêmes avenues et le succès des entreprises que le centre développe maintenant nous montre à quel point cette approche-là est pertinente. D'autant plus pertinente maintenant qu'on est totalement hypnotisé par les écrans, l'omniprésence des écrans. Je peux vous garantir que voir une vidéo de l'eau qui bout jusqu'à ce qu'elle gèle n'a pas le même impact que de voir la face des gens qui regardent la fiole. Ils regardent le graphique, puis on voit dans leur face qu'ils ne veulent pas que ça se produise. Donc, les humains, le réel a un impact sur l'émotion que le vidéo n'a pas nécessairement. Puis ouais. Ça, ben, cette formule-là, tant qu'elle va être utilisée, je pense que les résultats vont être sensiblement les mêmes. Mm. Nous, les humains, on aime s'exciter devant des choses qui sont vraies, qui sont matériellement vraies. Ouais. Puis au centre, on a tous les moyens pour rendre l'observation dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, on n'est pas là devant un groupe de 100 personnes avec la chose que tu devines avoir vue. Il y a des caméras partout, il y a des écrans, on a des senseurs. Donc, on veut que le phénomène soit bien perçu. Et habituellement, ça fonctionne comme on le souhaite. Oui, oui, ça fonctionne très bien, je le confirme. Alors, vous trouverez évidemment tous les renseignements sur le centre de démonstration, sur le site du centre de démonstration, sur la page Facebook, sur Instagram. Alors, merci Julie Drolet-Bolduc, conseillère à la vie étudiante événements scientifiques. Merci Yvon Fortin, donc fondateur du CDSP. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.